de mioche trop moche dans la mini rikiki salle de classe. La maîtresse qui fait les poches pour ramasser les billets, les images, c'est dégueulasse. Petit gavroche, sale mioche, attendu quand il s'agit de faire mille grimaces. Pas de caprice et pas de sinoche, compitéline, n'est pas moyen que la jeunesse, elle se passe. Tellement pas juste et tu chouines. J'en ai marre et puis d'abord je vais le dire et puis c'est toi la queen. Jean-Bernard connard, c'est la lue comme toute la pète du crâne et tu frimes. Gros vislard et sale cafard, je te gosse petit puis si tu continues je m'assassine. Sans rire, j'aime pas ça faire marcher dessus, mais je n'ai pas le choix. C'est pas pire que de mourir, mais comme dit papa qui a raison, ce n'est pas moi le roi. Tel un petit fakir, j'avale la douleur de la règle en fer sur les doigts. Moi je m'en fous de mon avenir, si c'est comme ça, je vais m'installer vivre dans les bois.